ma confidente. Mon seul plaisir, ma délivrance. Pour toi je ferai n'importe quoi. Et je souffre et je crève quand je suis sans toi. Et j'en pleure et j'en tremble déjà. Je n'ose pas imaginer la vie sans toi, dans cette triste réalité. Chaque fois une nouvelle aventure commence. C'est vrai qu'avec toi je ne m'ennuie jamais. On vit à deux une véritable je suis sans toi, et j'en pleure et j'en tremble déjà. Je n'ose pas imaginer la vie sans toi, dans cette triste réalité. Et je souffre et je crève quand je suis sans toi, et j'en pleure et j'en tremble déjà. Je n'ose pas imaginer la vie sans toi, dans cette